Chapitre 3. Peuplement et population de Concarneau. Fixée à l'année 692, la fondation de Conques, ce n'est pas nier l'existence d'une population antérieurement établie sur l'îlot qu'occupe la vieille ville. Un érudit breton a reconnu et décrit ce qu'il nomme les oppidas, ou forteresses, ces lieux de refuge, on peut dire ces villages de refuge, contenant quelquefois une centaine de cases appendues en gradins aux rochers les plus abrupts de la baie de Douarnenez. Combien les contemporains de leurs tristes habitants furent heureux de trouver l'îlot de Conques comme lieu de refuge et de défense. D'autre part, comment, au temps les plus reculés, des pêcheurs ne se seraient-ils pas établis sur l'îlot de Conques, lieu propice entre tous, situé au fond d'une baie, défendu contre les vents du sud-ouest, baigné constamment par la mer sur une de ses rives, enfin pourvu d'eau douce. L'acte le plus ancien où il soit question de Conques, sans pourtant que ce nom soit écrit, est du XIe siècle. C'est le cartulaire de Landévennec. On y lit « Ego grad lonus do sancto o in gualeo, locum sancti o in gualei in buduc quinque villas. » Moi, Gralon, je donne à Saint-Guénolé le lieu de Saint-Guénolé en la paroisse de Bezec, 5 maisons. Ces mots doivent s'entendre en ce sens. Gralon donna à Saint-Guénolé en Bezec un lieu qui devint un prieuré portant le nom de Saint-Guénolé et comprenant 5 maisons au temps où le rédacteur du cartulaire rédigeait cette notice, c'est-à-dire au XIe siècle. Les mots « en Bezec » s'entendent de la paroisse de Bezec, comprenant l'îlot de Conques, et le seul prieuré que Landévennec ait eu en cette paroisse est celui de Conques. Donc, la donation de Gralon, mort aux premières années du VIe siècle, en 505, se rapporte bien à Conques. Disons tout de suite que le nom de Bezec était commun à 3 agglomérations de l'évêché de Cornouailles. Pour les distinguer, on ajouta un second nom au nom de Bezec. Il y eut ainsi Bezec-Cap-Caval, Bezec-Cap-Sizun et Bezec, paroisse de Conques, devint Bezec-Conques. L'annexion du nom de Conques au nom de Bezec était destinée à prévenir toute confusion avec les autres Bezec. Elle n'a pas eu cette vertu, et pour comble de malheur, elle a donné lieu à une confusion entre Bezec et Conques. Nous le verrons tout à l'heure. Si, contrairement à notre pensée, l'îlot de Conques était désert au Ve siècle, c'est-à-dire au temps de la donation de Gralon, cet état allait être bientôt modifié. À Conques comme ailleurs, les moines vont être missionnaires, instituteurs, médecins, bienfaiteurs du voisinage, et comme en beaucoup de lieux, la population va venir à eux. Peut-être pourtant ce travail d'agglomération fut-il à Conques moins rapide qu'ailleurs, à raison de la situation insulaire du prieuré. Un fait que voici permet de le supposer. 6 siècles après Gralon, vers la moitié du XIIe siècle, un savant arabe, Edrisi, écrit une géographie résumant les renseignements recueillis par les Arabes trafiquant alors par toute l'Europe. Ce livre est utile surtout aux navigateurs et semble écrit pour eux. Il leur signale de proche en proche les villes maritimes. Or, entre Quimperlé et Quimper, ils ne nomment pas Conques. Ce n'est pas à dire que Conques ne fut pas habité. Du silence d'Edrisi, nous pouvons seulement inférer que Conques offrait peu d'intérêt aux commerçants, qu'il n'y avait pas l'industrie et les marchés signalés à Quimperlé, qu'il n'était pas très peuplé, très fréquenté, commerçant et abondant en ressources comme Sainte-Quérenbine, Quimper Corentin. Écrivant 100 ans plus tard, Edrisi n'aurait eu garde d'omettre Conques. La population s'est accrue. La chapelle du prieuré est devenue insuffisante. Une église a été construite qui sera fillette de Bezec. Conques est chef-lieu d'une châtellenie ducale. Il a une cour ducale et cette cour a même un auditoire construit pour elle. Il y a là un sénéchal et les officiers ordinaires d'une justice, procureurs, sergents, notaires, etc. Auprès d'eux habitent des bourgeois dont les fils parviennent aux dignités de l'église de Cornouailles, des gens de négoce et des pêcheurs. Tout ce monde vit là en sécurité, derrière des murailles solidement construites sur le rocher, difficiles à escalader, et qui un jour résisteront à un assaut commandé par le connétable du Guesclin, 1373. À cette époque, Concarneau est ce que dit Froissart, comptant ce fait d'armes, ville et forteresse sur mer. Mais tout à coup, dans la première moitié du XVe siècle, la décadence vient. Les habitants ont délaissé leurs négoces et affaires. Plusieurs sont allés faire leurs demeurances en autre lieu et n'y sont demeurés, à Conques, que bien peu des habitants. Qui nous révèle cette décadence de Conques ? Le duc Pierre II, dans le mandement cité plus haut du 15 mars 1451. Et la cause de cette émigration des habitants ? Elle est bien simple. Ils ne se sentent plus en sûreté derrière les murs qui protégèrent leur père. Ces murs qui résistèrent à Du Guesclin ne tiendraient pas contre les canons qui se multiplient en se perfectionnant. Pierre II va donc ordonner la reconstruction de la ceinture murale. Mais à ces murs remis à neuf, il faut des défenseurs. Où les trouver ? Pierre II saura y pourvoir. Au Moyen Âge, les bourgeois des villes étaient exercés au tir de l'arc et plus tard de l'arbalète. Et en cas d'attaque, se faisant soldats, combattaient avec la garnison. Ainsi firent les habitants de Conques, et le duc le rappelle à leur grand honneur. À l'occasion, dit-il, des guerres qui ont longuement duré et sont encore sur la mer, souvent fois, les habitants se sont armés pour faire résistance à nos ennemis les Anglois, et ont soutenu de grandes charges, dépenses et pertes de fortune pour lesquelles sont réduits en indigence de biens. Mais aujourd'hui, continue le duc, ils sont en si petit nombre que bonnement ne suffisent plus à la garde et défense de la place. Mais très nécessaire ce roi que plus grand nombre y en eût pour le bien, sûreté et augmentation d'icelle place. Pour obtenir ce résultat, que va faire le duc ? Il va d'abord reconstruire les murs et les rendre, comme nous avons vu, capables de résister aux canons. En second lieu, pour indemniser les habitants des dépenses qu'ils ont faites et des pertes qu'ils ont subies à cause des guerres, le duc les exempte et perpétuellement du devoir d'impôt des vins et boissons qu'ils vendront, des tailles, aides et autres subsides, avec tout devoir de sécherie appartenant au duc, voulant qu'ils soient et demeurent quittes, francs et exempts, sans aucune chose à payer. Cette exemption est confirmée par Arthur III en 1457. La reconstruction des remparts ramène la sécurité. L'exemption de toute imposition est un privilège enviable. Les habitants qui s'exilèrent vont revenir, mais ils ne viendront pas seuls. D'autres se joindront à eux, jaloux de cet heureux privilège, dont leurs enfants hériteront. 70 ans plus tard, en 1520, le Portulan, cité plus haut, mentionne Concarneo. Me dira-t-on, mais le Portulan mentionne tous les ports. Disons mieux, les havres, les entrées de rivières, où les navigateurs, qui rasent encore timidement les côtes, trouveront abri contre le gros temps. C'est uniquement à ce titre que Bénodet, à l'entrée de la rivière de Quimper, peut être nommé par lui. N'en est-il pas de même de Concarneau ? Voici la réponse à cette objection. 19 ans après la date du Portulan, en janvier 1539, arrivent à Conques deux conseillers maîtres à la Chambre des Comptes de Nantes. La Chambre les a nommés commissaires en exécution de mandat du roi François Ier, usufruitier du duché de Bretagne, pour la réformation des recettes de Conques-Fouesnant et Rospordin. Ils vont faire deux opérations. Premièrement, établir l'état des propriétés données par baillet, moyennant rente censive. Deuxièmement, faire la baillée des maisons, terre vague, inoccupée, occupée sans titre ou usurpée. Ils se mettent à l'ouvrage le 21 janvier et ils consacreront 2 jours à la ville et autant au faubourg. Nous donnerons plus loin le compte exact des maisons et jardins. Mais ce qui nous intéresse aussi, c'est l'indication des édifices pris comme point de repère. Les commissaires signalent l'église avec son cimetière, l'hôpital et sa chapelle, dite de la Trinité, le four à banc, le puits public, le moulin à vent, banal, la cohue, halle et le petit château. Tous ces édifices sont rassemblés dans la partie la plus large de l'îlot. Au-delà, vers l'ouest, sont signalées la chapelle dite Notre-Dame du Portail qui touche la porte et à côté la prison. Enfin, l'acte mentionne en 2 endroits échelles ou degrés, escaliers pour monter sur la muraille. En dehors de l'espace occupé par les édifices mentionnés ci-dessus, tout le terrain que les murs et le chemin de ronde laissent libre est occupé par des maisons, cours et jardins. La grande rue, de la porte ouest à l'est, comprend 45 maisons à droite et 44 à gauche. la petite rue du sud au nord en comprend 8, en tout 97 baillés. Les conseillers font 10 nouvelles baillées en diverses parties de la ville. Il y aura donc en tout 107 baillés. Plusieurs comprennent plus d'une maison. Nous pouvons compter 115 maisons. Voilà pour la ville. Voici pour le faubourg. Le procès-verbal montre là deux rues, plus exactement deux quartiers qu'il nomme Pénéroff et l'Air l'Évêque. La rue dite Pénéroff, vis-à-vis de la porte de l'Ouest, près de la chapelle Sainte-Croix et le long du rivage, est au domaine du roi. Les commissaires y comptent 30 baillés et ils en ajoutent 13, comprenant 3 maisons et des aplacements de landes au voisinage de la chapelle. Voilà donc 33 maisons signalées à Pénéroff. C'est en tout 148 maisons au domaine royal. La rue dite l'Air l'Évêque, au nord de Pénéroff, est au fief épiscopal, les commissaires n'ont pas à s'en occuper. S'ils mentionnent le four banal, c'est seulement comme point de repère. Remarquons ici que le plan du XVIIIe siècle, cité plus haut, montre le quartier l'Air l'Évêque aussi bâti, sinon plus que Pénéroff. En était-il ainsi en 1539 ? C'est vraisemblable. Si donc les commissaires ont vu 33 maisons à Pénéroff, il y en avait un nombre à peu près égal à l'Air l'Évêque. Nous avons compté 115 maisons dans la ville close, ajoutons-y 66 au faubourg, l'agglomération entière aurait donc compris 181 maisons. 60 ans plus tard, au début du XVIIe siècle, le chanoine Moreau constate le progrès de Concarneau. Il nous montre dans l'îlot une rue bien bordée de maisons où demeurent nombre d'habitants riches par rapport à leur commerce de mer. C'est pourquoi elle, la place, est aussi appelée ville. Il n'avait pas à parler du faubourg, mais quelques années plus tard, en 1619, nous sommes renseignés. Dans la rue Pénéroff, les maisons se touchent, ou du moins sont assez rapprochées les unes des autres pour servir successivement d'abri à une troupe ennemie qui passe d'une maison à l'autre sous le feu de la place et dont un seul homme est blessé. 20 ans plus tard, 1636, Dubuisson-Aubenais écrira « Conques ou Concarneau est une petite place, environ de 100 maisons, bâtie ou fortifiée pour la nourriture et sûreté des enfants des ducs qui autrefois étaient là élevés à cause du bon air ». C'était apparemment une prétention des habitants que leur ville eût été choisie pour la résidence des enfants des ducs comme le lieu le plus salubre de la Bretagne. Notre voyageur dit plus loin, il y a bien 100 hommes à porter armes et en un besoin 200. Remarquez-le, notre auteur ne parle que de la ville close, qu'il nomme la place, qu'il décrit sainte de murailles située en mer qui l'environne. Ainsi ses nombres de 100 maisons et de 100 ou 200 hommes à portée armes se rapportent à la ville close. De ce qui précède, il résulte que le nombre d'environ 100 maisons indiqué en 1636 par Dubuisson dans la ville close est trop réduit et qu'il y a lieu d'y compter 115 maisons au domaine du roi, sans parler des autres appartenant au prieuré de Saint-Guénolé. Au lieu de compter les maisons par à peu près, Dubuisson aurait bien fait de donner, ce qui était facile, le chiffre de la population. Pouvons-nous du moins l'inférer approximativement des renseignements qui précèdent et de ceux qui vont suivre ? Moreau nous apprend que à la fin du XVIe siècle, Pinmar avait une troupe de 2500 arquebusiers et il lui attribue une population de 10 000 âmes. La milice est du quart de la population. À ce compte, les 100 arquebusiers de Concarneau mentionnés par Dubuisson donneraient à la ville 400 habitants. Les 200 élèveraient la population au chiffre de 800. Prendrons-nous la moyenne, 150 arquebusiers, et en déduirons-nous approximativement pour Concarneau une population de 600 habitants ? Ce chiffre approximatif paraît acceptable. Il donne pour chacune des 115 maisons de la ville close un peu plus de 5 habitants. Mais nous devons tenir compte des 66 maisons du faubourg. Si nous leur attribuons le même nombre d'habitants, nous arriverons au chiffre de 943 pour l'agglomération entière, 599 en ville et 343 dans le faubourg. Quoi qu'il en soit, on ne peut douter que, en ces temps troublés, la fortification de l'îlot n'ait contribué au progrès de Concarneau et à l'augmentation de sa population. Moreau ne semble pas de cet avis. Il nie l'utilité de ces murailles. Le Havre, dit-il, n'est guère sûr et les approches en sont dangereuses. Du moins, lui semble-t-il que les inconvénients de la fortification l'emportent sur ses avantages. C'est une bonne forteresse pour la ruine du pays et inventer cependant pour son bien une retraite à voleurs, gens de corde, etc. Pardonnez au chanoine Ligueur. Il a vu Concarneau ligueur et sauvegarde de Quimper. Il le voit dévoué au roi et menaçant Quimper. De là sa méchante humeur. Mais ne donnons pas à ses plaintes un sens général qui ne leur a pas donné. Il se plaint seulement des voleurs et gens de corde qui vont demander asile à Concarneau. S'il exagère, il y a là une part de vérité. À cette époque, les chefs militaires n'étaient pas scrupuleux sur le choix de leurs recrues, pas plus que sévères sur la discipline. Mais le chanoine ne confond pas avec les hommes ainsi enrôlés les honnêtes habitants dont il vient de parler occupés d'un commerce lucratif. Il n'en veut pas à la ville de Concarneau et c'est justice. En effet, que peut une population de quelques centaines d'habitants enfermée dans une étroite enceinte avec une garnison relativement nombreuse? Si son gouverneur crie « Vive la Ligue !», la population ne criera pas « Vive le roi !». Si le gouverneur se met à crier « Vive le roi !», la population, même ligueuse, ne criera plus « Vive la Ligue !». Telles furent, nous le verrons plus loin, les vicissitudes par lesquelles devait passer Concarneau. Chapitre 4. La châtellenie de Conques-Fouesnant-Rospordin. Quelle que fût la population de Conques, il suffisait de son havre, de son port, de ses murailles, pour en faire le lieu le plus important des trois seigneuries ducales contiguës de Conques, Fouesnant et Rospordin. Conques devint le chef-lieu de ce domaine. Les trois noms de Conques, C, ou Conques, Q, Fouesnant et Rospordin sont très souvent accolés dans les vieux actes. Ils expriment trois seigneuries ducales, puis royales, groupées en une juridiction unique dont le siège était à Conques. Et Conques, en devenant le chef-lieu judiciaire, fut en même temps, comme nous dirions aujourd'hui, le chef-lieu administratif du domaine ducal. La juridiction était circonscrite par une ligne partant de l'embouchure de l'Audet et suivant la limite ouest des cantons actuels de Fouesnant et de Rospordin jusqu'à la hauteur de Corret. De là, montant plus au nord, enserrant la commune de Sker, puis redescendant à l'embouchure de l'Avesne, enveloppant Kernevel, Melvin, Névé et Nison. Cette délimitation comprend les cantons actuels de Concarneau, Fouesnant, Rospordin, la plus grande partie de celui de Sker, une partie de celui de Banalec et plus de la moitié de celui de Pont-Aven, soit autrefois 23 paroisses ou trèves et aujourd'hui 21 communes. Cette limite fut, jusqu'à la Révolution, la limite du ressort de la Sénéchaussée ou, comme on disait, de la cour royale de Concarneau. On peut se demander quelle était la valeur de chacune des trois seigneuries. Nous pouvons répondre à cette question d'abord en ce qui concerne Fouesnant et Rospordin. Après, nous parlerons de Conques. Les deux premières seigneuries ont été plus d'une fois distraites du domaine ducal. Le duc retenant seulement la justice comme c'était l'usage, en preuve de souveraineté. Quelques-uns de ces actes donnent le revenu de chacune d'elles. Par un premier acte, daté de 1381, Jean IV obtient de Jeanne de Chabot la baronnie de Retz et donne en échange les seigneuries de Fouesnant et Rospordin, plus Châteaulin-sur-Trieux au diocèse de Tréguier. Mais Jeanne, dite la sage, et qui aurait mieux mérité le surnom de folle, a bien vite reconnu que le duc l'a joué. En acceptant cet échange, elle a subi bien plus que la lésion d'outre-moitié, cause d'annulation des contrats. Elle proteste, le duc, redoutant le scandale d'un procès perdu d'avance, consent à reprendre ses seigneuries. Et Jeanne rentre en possession de sa belle baronnie, avec ses 6 châteaux, ses forêts et tous ses droits utiles et honorifiques. Ce premier acte ne donne pas le revenu de Fouesnant et Rospordin, mais nous trouvons ce renseignement ailleurs et nous en déduirons la valeur vénale des deux seigneuries. En 1431, Jean IV évalue Fouesnant et Rospordin 700 livres de rente, environ 29 000 francs de nos jours. À cette époque, les ventes se font souvent au denier vin. Ce revenu permet de fixer la valeur approximative des deux seigneuries à 577 000 francs. Vers le même temps, Jean V engage les deux seigneuries avec Conques, en garantie de 15 000 écus d'or, 17 250 livres, soit 611 661 francs monnaie actuelle, somme qui se rapproche sensiblement de la valeur calculée sur le chiffre résultant du revenu. Attribuons l'écart, 34 000 francs, à Concarneau, qui, nous le verrons plus loin, ne compte pour presque rien, et acceptons le chiffre de environ 577 000 francs comme représentant la valeur des deux seigneuries. En 1438, Jean V assigne Fouesnant et Rospordin pour seulement 460 livres de revenus dans le partage de Pierre, qui sera Pierre II. En 1457, la rente de 6 000 livres, 200 000 francs, que le duc Pierre II assigne en douaire à sa veuve, Françoise d'Amboise, est assise en partie sur Conques, Fouesnant et Rospordin. Enfin, en 1594, Henri IV offrait les trois seigneuries au duc de Mercœur avec le gouvernement de la Bretagne pour le déterminer à faire la paix. Telle est la châtellenie dont Concarneau fut le chef-lieu judiciaire et, comme nous l'avons dit, administratif. En effet, anciennement et pendant longtemps, le sénéchal, premier ou même unique juge du siège, eut la justice et l'administration. Et jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, il garda quelques attributions administratives, comme nous le verrons. Nous reviendrons plus loin avec quelques détails sur le siège judiciaire de Concarneau, mais il nous faut parler d'abord de la seigneurie particulière.